explorer de nouveaux mondes étranges, découvrir de nouvelles vies et, au mépris du danger, avancer vers l'inconnu. L'Océanie, Bora Bora les Vainés, tu connais ? Vous croyez que je vais plus regarder les paysages par le hublot ? Sur France Inter, j'ai des envies de voyage. Le temps d'un bivouac ! Le temps d'un bivouac. Je suis prêt. Daniel Fievé. Ils sont Inuits, Amérindiens ou Aborigènes. Ils vivent là où leurs ancêtres habitaient bien avant que d'autres hommes, venus d'ailleurs, décident de tracer dans leur environnement des frontières et de créer des États avec leurs règles et leurs lois. On les considère parfois comme marginaux, anecdotiques au regard de la population mondiale. Pourtant, pas moins de 400 millions de personnes appartiennent à ces peuples autochtones, répartis dans 90 États. Ils représentent plus de la moitié de la diversité culturelle du monde. Leurs terres, ou ce qu'il en reste, attise bien des convoitises, projets industriels, exploitation minière, déforestation. Face à toutes ces menaces, ces communautés vulnérables ont du mal à faire entendre leur voix et à faire valoir leurs droits. Alors aujourd'hui, nous nous intéressons à ces peuples et aux menaces qui pèsent sur eux. Mes amis, je ne sais où nous allons. Sur France Inter. Parfait, alors ça vous dit de faire un tour, allez-y. Le temps d'un bivouac. Bonjour et bienvenue dans notre bivouac et bonjour Irène Bélier. Bonjour Daniel. Vous êtes anthropologue au CNRS et au laboratoire d'anthropologie des institutions et des organismes sociaux à l'EHESS. Vous avez notamment publié « Échelle de gouvernance et droits des peuples autochtones » chez l'Harmattan. Le livre vient tout juste de sortir. Vous allez nous dire comment vivent aujourd'hui ces peuples et comment ils tentent de faire valoir leurs droits face aux menaces qui pèsent sur eux. Les auditeurs peuvent vous adresser une question via la page de l'émission sur franceinter.fr ou la page Facebook du temps d'un bivouac. À 17h, nous irons au sommet de l'Everest et sur les traces de l'alpiniste Georges Mallory pour une enquête en très haute altitude. Voilà pour le sommaire du jour. Cette émission est réalisée par Clément Nouguier. Elle a été préparée par Sophie Vaux et Mathieu Aoued. Nous existons et voulons continuer à exister ici. Nous voulons que vous veniez nous voir, mais avec une conscience environnementale, afin que vous ne nous sortiez pas de notre terre, car c'est ici que nous vivons et c'est ici que nous voulons être. Nous voulons vous recevoir et être reçus, mais sans destruction. C'est vous, Irène Bélier, qui avez enregistré les chants que nous entendons actuellement, mais aussi les mots du cacique Babao, chef du peuple Toubinamba. Vous avez réalisé ces enregistrements il y a quelques jours à peine. Où ça exactement ? Ils sont tout frais, ils viennent de la communauté de la Toubinamba, de la Serra do Padeiro, qui est située dans l'état de Salvador de Bahia, au Brésil. Ouais. Et alors, ils sont en danger, ces peuples que vous avez, en tout cas les individus que vous avez interrogés, qui appartiennent à cette tribu ? Ils sont dans une situation de reconstruction de leur être propre. Il faut savoir que les Toubinamba sont les premiers qui ont été rencontrés par les Portugais en 1500. Et leur situation a été, enfin, ils ont été reconnus comme povos indígenas do Brasil, comme on dit dans cette langue, en 2002. Donc vous imaginez, entre 500 ans d'effacement par colonisation, prise de leurs terres, effacement linguistique, effacement, etc. Mmh. Et donc là, ils ont été reconnus comme peuple autochtone du Brésil et leur terre a fait l'objet d'une démarcation en 2004. Donc il y a eu tout un processus d'identification par l'agence intermédiaire de la FUNAI, des anthropologues qui viennent là pour expliquer que oui, les Toubinamba étaient bien là, que oui, ils existent, que oui, etc. Qu'est-ce que ça veut dire « a fait l'objet d'une démarcation » leur terre. L'un des problèmes qui relève de la colonisation depuis l'arrivée des Espagnols dans cette région du monde, on parlera pas tout de suite du reste du monde, a été que les conquérants sont arrivés et ils ont dit que c'est la terre de personne. Donc à partir de là, s'est élaboré le droit de la conquête, qui est un droit qui est parti des bulles pontificales, Eternae Regis en 1481, qui répartit les terres, notamment au Portugal et ensuite en Espagne. Et puis après, il y a d'autres bulles, comme etc., qui dit que le premier roi qui arrive, ben, il prend la terre et puis ça lui appartient. Mmh. Donc c'est le droit de la conquête. Et de ce droit de la conquête est sorti les droits des différents États après leur émancipation, leur indépendance de la colonisation espagnole et portugaise respectivement. Mais les autochtones qui sont de très nombreuses familles linguistiques, de très nombreux groupes différenciés, chacun dans leur monde, chacun dans leur espace, des structures sociales très différenciées. On les a tous appelés indiens, ouais, avec cette erreur initiale de Christophe Colomb qui croyait découvrir l'Inde. Et par ailleurs, on les a tous confondus et à la fin, on les a marginalisés, relégués en bas de la société, esclavagisés. Et évidemment, ils n'avaient pas de titre de propriété à produire parce que ça, c'était du droit européen qui exigeait ça. Mmh. Donc, c'est à partir de là qu'ils se sont retrouvés privés de leur territoire. Donc la spoliation territoriale, c'est un point extrêmement préoccupant, ouais, et important pour donc eux. La démarcation de leur terre, c'est redéfinir une sorte de frontière, un territoire qui est le leur. C'est reconnaître un territoire, mais surtout un territoire collectif. Ouais. Parce que une des particularités aussi, c'est que le droit européen est parti notamment du droit de la propriété, qui est un des fondateurs du droit. Mais c'est le droit de la propriété individuelle. Ouais. Et les autochtones ont commencé à dire, nous avons besoin de droits, mais non pas sous forme de petites parcelles, parce que vous nous laissez ça, etc. Non, on a besoin d'une terre collective avec qui on entretient des rapports particuliers. Donc il y a tout un ensemble qu'on appelle terre, territoire, ressources, parce que tout va ensemble, mmh, et que c'est des peuples, c'est pas des collections d'individus, c'est pas des populations juste rassemblées là par hasard. Mmh. Alors nous aurons l'occasion de revenir dans cette émission sur la situation des Tupinamba, que vous connaissez très bien. Ça fait longtemps en fait que vous intéressez à la situation des peuples autochtones de façon plus générale et plus précisément, vous avez passé beaucoup de temps à travailler sur les peuples d'Amazonie. D'abord, pour votre thèse, vous êtes allé à la rencontre des Mai Unas au Pérou. Vous avez passé combien de temps à leur côté ? Eh bien, j'ai passé en tout 4 ans. 4 ans aux côtés des Mai Unas, dont le nom veut dire nous les êtres humains. Ouais. Et Mai, ça veut dire être humain. Unas, c'est le collectif. Et j'y suis arrivée un petit peu comme ça, très jeune étudiante. Ouais. À l'époque, j'avais 25 ans, donc je débarque et j'essaye de travailler sur les rapports entre les hommes et les femmes. Et pour comprendre un peu cette société, pour comprendre comment ils fonctionnent et comprendre leur rapport au monde. Ouais. Comment ça s'est passé ? Parce qu'on imagine, voilà, vous étiez toute jeune, 25 ans, on arrive dans un monde, dans une culture qui n'est pas la sienne. Il faut d'abord se faire accepter par ce peuple. Bah, d'abord, on essaye de se renseigner sur où ils sont. Ouais, c'est ça, faut les trouver, c'est ça. Voilà, ouais. Parce que je suis allée dans un groupe qui n'était pas connu, mais qui était d'une famille qui relevait d'une famille linguistique déjà décrite. Ce sont des familles de Tucano occidentaux, eux, les Mai Unas. Mais il y avait les Tucano orientaux qui étaient déjà un peu décrits et connus. Et du coup, on avait pas mal de travaux sur cela. Et donc, je ne suis pas allée dans un autre groupe de Tucano oriental pour une raison propre à la Colombie qui, à l'époque, exigeait de financer un chercheur en même temps qu'on en donnait l'autorisation à un chercheur européen de venir. Je suis tout à fait d'accord sur la disposition, mais en revanche, je n'avais pas les moyens. Mmh. Donc, je suis allée au Pérou dans un groupe non connu donc, qui, à l'époque, s'appelait Orejones parce qu'on les connaissait sous forme de description qui avait été laissé et dont j'ai fait le travail d'archives aussi, mais bien après. Donc, Orejones, parce qu'ils portaient des grands ornements d'oreilles. Donc, ça veut dire les grandes oreilles, si vous voulez. Et ils ont été aussi dénommés d'un autre nom qu'on connaissait dans les sortes d'archives qui dataient de 1925, d'un type qui était passé, un anthropologue physique allemand, qui avait laissé quelques données. Et on les appelait Coteaux, du nom du singe hurleur. Parce que ils s'habillaient. Autrefois, ils ne s'habillaient pas. Ils étaient peints avec des peintures corporelles rouges. Et comme la société régionale les méprisait souverainement, ils leur ont attribué ce nom de Coteau parce que le singe hurleur a un poil fauve. Ouais. Voilà. Donc je débarque. Donc vous débarquez. Alors il va falloir apprendre leur langue. Ouais, et évidemment, ils vont finalement s'intéresser autant à vous que vous à eux. Cette histoire d'étudier un peuple sur le terrain, en fait, c'est un échange. C'est une étude mutuelle. Alors ça l'est devenu. Mais au départ, et dans l'époque de l'anthropologie ou de l'ethnologie il y a 30 ans ou 40 ans, on allait vraiment étudier un peuple et on travaillait sur un peuple. Aujourd'hui, on travaille avec un peuple. Ouais. Et donc, le regard a complètement changé. On n'est plus là en train de décrire des choses qui sont totalement inconnues pour le regard européen, mais on est en train de contribuer à faire connaître leur monde en tant que ce sont des mondes divers, des modes de pensée, des modes de relation à la nature, toutes sortes de choses. Et donc, il faut les décrire d'une certaine façon aussi. Les systèmes de parenté sont très différents. La langue, le Mairinkira, est extrêmement différent. C'est une langue à ton, c'est une langue agglutinante, c'est une langue... Vous avez eu du mal à apprendre leur langue? Quand on a que des gens qui parlent Mairinki autour de vous et qu'ils parlent très peu espagnol, on est un petit peu obligé d'apprendre directement, quoi. Donc, c'est comme toutes les langues. On baigne dans un univers et puis on apprend une langue aussi parce qu'on aime les gens. Et donc, il y a cette... Sinon, vous passez à côté de tout. Si vous parlez pas la langue, vous comprenez pas non plus même leur système de représentation du monde. Alors, vous êtes ensuite retourné dans ces endroits au fil des années et vous avez pu mesurer les changements auxquels ils sont confrontés. Vous, à échelle humaine, vous avez vu évoluer totalement leur situation. Totalement. Je suis restée chez les Mairuna, donc 4 ans, entre 79 et 86, où date où je soutiens ma thèse. Et à cette époque-là, ils étaient plutôt en phase de retrouver un relatif bien-être, parce qu'ils avaient été l'objet d'un massacre à l'époque du caoutchouc, et à l'époque des premiers investissements occidentaux qui venaient utiliser le bois, l'ivoire végétal, le bois de rose, l'acajou, vous voyez, il y avait ces opérateurs. Mais le pire, ça a été le caoutchouc. Et le caoutchouc, ça a été une exploitation absolument mortelle, qui a abouti à laisser sur place vivant 10% des populations initiales. Donc on a affaire à des génocides à ce moment-là. Ouais. Vous arrivez après ça, hein, j'arrive bien sûr. Après. Ouais. J'arrive après. Ça, c'est le massacre du caoutchouc dans la région du Putumayo où se trouvaient les Mairuna. Ça se passe entre 1890 et 1930. Et donc moi, j'arrive en 1979, largement après, mais il n'empêche que je vois visiblement des traces de ce passage désastreux dans la manière dont il n'y a plus de orejones, il n'y a plus que deux orejones avec des grandes oreilles. Et pourquoi ? Pour deux raisons. D'une part, les capataces, les contremaîtres, les gens qui les faisaient travailler dans des situations d'esclavage, c'est-à-dire à la pointe de la machette, à la pointe des armes, leur coupaient aussi les oreilles pour s'amuser. Pour les civiliser. Et il y a eu un tel mépris qui était développé par ces personnes qui étaient odieuses, que certains se sont eux-mêmes tranchés le lobe des oreilles pour ne pas ressembler à être l'objet de mépris. Donc vous voyez la nature violente des rapports qui se mettent en place et qu'on retrouve encore dans pas mal d'endroits. Hein. Alors vous vous intéressez aujourd'hui, Irène Bélier, plus généralement aux droits et aux conditions de vie de ces peuples autochtones. Qu'est-ce qu'on appelle un peuple autochtone ? Je disais en introduction, on considère que 400 millions de personnes appartiennent à des peuples autochtones. En découvrant ce chiffre, en préparant cette émission, j'étais surpris parce que on dit souvent, on a un peu l'impression des fois que c'est à la marge de nos sociétés. Finalement, ils sont presque autant que les Européens, les Autochtones. Si on les mettait tous ensemble, absolument, c'est une vraie force. Voilà. Eh bien, il n'y a pas une description substantielle d'un peuple autochtone qui permettrait de les identifier de manière absolument identique partout. Mais il y a une définition de travail qui permet de comprendre d'où ils viennent et où ils sont, et qui a été forgée par un rapporteur spécial aux Nations Unies, puisque depuis maintenant une vingtaine d'années, je travaille sur les conditions des droits des peuples, enfin, les conditions de possibilité à la fois de former des droits de peuples autochtones et de les appliquer sur les territoires. Donc un rapporteur spécial, José Martínez Cobo, qui va à un moment donné étudier toute une série de situations et qui va produire une définition qui va dire ce sont des peuples, des nations, des nationalités qui sont présents sur un territoire avant que les colonisateurs n'arrivent, qui occupent totalement ou partiellement ces territoires, qui disposent de leurs institutions propres, de leur langue, de leur culture et qui sont destinés à les transmettre, qui veulent véritablement transmettre cela aux prochaines générations. Donc il y a cette idée comme ça d'ensemble et l'un des problèmes auxquels on est confronté, votre réaction est tout à fait naturelle, on ne se rend pas compte de qui ils sont parce que les États les ont complètement négligé. Tout l'enjeu de la déclaration des droits des peuples autochtones, de la montée aux Nations Unies qui commence à partir des années 80, des groupes de travail qui se mettent en place aux Nations Unies, qui aboutissent aujourd'hui à avoir deux groupes permanents, une instance permanente sur les questions autochtones à New York et un mécanisme d'experts sur les droits des peuples autochtones à Genève. Ça a été que les gens arrivent, qu'on les entende, qu'il y ait témoignages, qu'on se rende et qu'ils disent leur situation. Et un exemple très particulier, vous êtes français, moi aussi, en France, on ne connaît pratiquement pas nos peuples autochtones, et on en a pourtant. Les peuples de Guyane, il faut qu'ils se rappellent continuellement à notre existence, leur existence à nos yeux, pour qu'on puisse comprendre qu'ils existent, les Locono, les Teco, les Palikwene, les Kalinia. Sinon, on les connaît pas. Donc c'est le problème de l'histoire, c'est le problème de la spoliation, c'est le problème de la marginalisation, et c'est le problème de ce que ils ont besoin d'un territoire pour vivre. Voilà, ils ont besoin d'un territoire, et ce territoire, ben souvent on leur prend. Un exemple au Brésil avec l'inquiétude de Juarez, un chef des Munduruku, une tribu composée d'une vingtaine de familles adeptes de la cueillette et de la chasse. Com esse projeto que a gente... Nous sommes très tristes depuis que nous avons entendu parler du projet de barrage sur la rivière. Nous nous faisons beaucoup de soucis. Nous avons peur. Nous savons qu'un barrage tuerait notre rivière sacrée. Dieu a créé cette rivière pour nous. Et nous devons la protéger. Tout comme notre qualité de vie. La construction d'un barrage signerait l'arrêt de mort de notre rivière. Ce barrage ouvrira la porte à plein d'autres problèmes et à de nouveaux projets. Tout commence avec un barrage. Viennent ensuite les exploitations minières, puis les voies ferrées. Ils voudront exploiter la bauxite et l'or. Et cela se fera toujours sur notre territoire indigène. Notre terre vivra une invasion, l'invasion de l'homme blanc. Irène Bélier, dans ce cas, c'est le projet d'une centrale hydroélectrique de 100 mètres de haut qui alimenterait 60 millions de Brésiliens en électricité qui vient percuter la vie de cette communauté d'une vingtaine de familles. Dans ce genre de situation, la voix de la communauté a-t-elle une chance d'être entendue? Les Mundurucu ont été les premiers à élaborer des protocoles de consultation propres. Par la Convention 169, le Brésil est obligé de consulter les peuples autochtones. Mais il ne le fait pas, évidemment, mais normalement, il devrait le faire. Il est signataire de cette convention. Et il le fait d'une manière qui n'est pas, raisonnable. En principe, les droits des peuples autochtones, aujourd'hui, disent consulter pour obtenir le consentement sur la base d'une bonne foi et d'une information. Ces droits des peuples autochtones, ils sont récents. C'est les Nations Unies qui ont fait cette déclaration en 2007, mais ça leur donne une arme, un début de recours, c'est ça? C'est tout à fait important dans la mesure où ils contiennent un article essentiel qui est le droit des peuples autochtones à disposer d'eux-mêmes. C'est-à-dire que cet article-là, qui pour nous est banal, quoi, ça leur donne une personnalité juridique. Ouais. C'est-à-dire qu'au lieu d'avoir une collection d'individus qui sont diversement reconnus avec des noms qui sont pas forcément acceptés, et on dit c'est pas des gens, parce que Bolsonaro aujourd'hui il dit c'est pas des personnes humaines, c'est ça qu'il dit Bolsonaro. Donc c'est important d'avoir cette ce critère de reconnaissance qui dit ce sont bien des humains, ce sont bien des collectifs organisés, ce sont des gens qui sont prêts à défendre leur territoire, à partager s'ils sont d'accord et sous certaines modalités. Malgré la reconnaissance de leurs droits, les peuples autochtones sont toujours menacés. Nous allons voir avec vous, Irène Bélier, quelles sont les menaces qui pèsent sur eux et comment la résistance s'organise. Et les questions des auditeurs arrivent sur franceinter.fr ou la page Facebook du Temps d'un Bivouac. Wagenu da ke haga, Ganawida la ohwadire yayak niom zage wagumodin kwenyeste gunungwe. Raterios Koa, c'était Chloé Sainte-Marie qui chantait Raterios Koa. Nuestras comunidades al principio han abierto las puertas porque pensaron que era au début, una de las formas de nos communautés ont ouvert leurs portes aux pétroliers pensant qu'ils représenteraient une certaine forme de développement. La gente pensó que ils apporteraient le progrès du travail et du confort pour tous. Todas las comodidades necesarias. Sin embargo, ha transcurrido ya más de 20 ans. Mais après plus de 20 ans, c'est tout le contraire. Las comunidades se han denigrado. Están mucho Les communautés vivent moins bien que celles qui n'ont pas d'exploitation pétrolière sur leur territoire. Cuando una empresa petrolera ingresa al trabajo, más bien la empresa Une entreprise pétrolière arrive avec tout son personnel. Todo su equipo de trabajo. Ils ont besoin d'ouvriers spécialisés, mais les paysans locaux sont juste bons à creuser des tranchées. Nos ancêtres savaient ce qui allait arriver. Ils nous disaient que le pétrole est le sang de la Terre, et que si on te prélève ton sang, tu meurs. Eso es lo que pasaría aquí en la Amazonía. Nous disait que c'est ce qui arriverait ici en Amazonie. Todo el petróleo de la Amazonía quedaría si on prenait tout le pétrole, elle deviendrait un désert. Una sabana verde de cierre, une étendue verte, mais sans vie. Extrait de Voyage en Terre indigène diffusé en 2016 sur France Inter. Nous étions en Équateur. La communauté Sarayaku prend conscience que les mises en garde des anciens étaient justifiées. Irène Bélier, anthropologue, spécialiste des droits des peuples autochtones. Parmi les principales menaces qui pèsent sur ces peuples, il y a ces exploitations minières, ces projets industriels. Il y a beaucoup de menaces en ce moment sur les peuples autochtones qui sont alors particulièrement concentrés en Amazonie sur le problème du pétrole. Ça, c'est clair que ouais. C'est vraiment une industrie forte. La déforestation, les grands barrages, les routes sont des projets qui sont actuellement en train de menacer complètement la survie de ces populations. Et puis, en gros, on a à l'échelle du globe un ensemble qu'on appelle en effet les industries extractives, qui sont tout ce qui concerne donc les minières, mais l'or, l'argent. Alors en Amazonie aussi, il y a beaucoup de problèmes sur l'or. Actuellement, les Yanomami sont en train d'essayer de dénoncer David Kopenawa, le leader incontesté des Yanomami, est en train de dénoncer l'invasion du territoire. Depuis que Bolsonaro est arrivé, il y a plus de 20 000 orpailleurs illégaux, des pauvres gens qui vont chercher de l'or dans tous les sens. Donc il y a aussi les terres rares qui sont ailleurs l'objet de convoitises très très fortes. Donc on a le pétrole, le gaz, les terres rares, la déforestation est un énorme problème, évidemment, qui résulte à la fois de ces entreprises extractives et de la construction des routes et des barrages, mais aussi de la monoculture de rente, la palme à huile, le soja. Bolsonaro veut faire du soja pour le marché européen. Il ne faut plus manger de soja, c'est insupportable. Ouais. Des pâtures, des pâturages pour le bœuf. Là encore, ça tombe des arbres. Et ça, ce sont vraiment des énormes menaces qui se retrouvent beaucoup. Tout ce qui est créateur de richesses pour les marchés financiers, au niveau local, ça crée de la pauvreté et de l'insécurité pour ces peuples autochtones qui occupent le territoire ou qui occupaient le territoire. Voilà, c'est ça que l'on constate. C'est-à-dire que vous parliez tout à l'heure à propos des Munduruku, d'une grande centrale électrique qui était censée alimenter 60 millions de Brésiliens. Les gens d'à côté n'ont pas l'électricité, par exemple. Donc, on les laisse dans la pauvreté, on les laisse. Et par ailleurs, lorsqu'il y a des programmes de lutte contre la pauvreté, ce sont des programmes qui sont particulièrement inadaptés parce que la pauvreté est évaluée à l'aune d'une espèce de modèle de développement développement type occidental européen et où si vous n'avez pas une machine à laver, une voiture 4x4 et quelque chose, vous êtes pauvre. Ouais. Ça marche pas du tout pour ces gens-là. Alors lors de votre dernier voyage, là vous êtes rentré il y a quelques heures, hein, à peine 48 heures de votre voyage chez les Tupinamba, ils vous ont fait part de leurs inquiétudes. Hein. Ils sont clairement confrontés actuellement aux nouvelles mesures, à la nouvelle politique de Bolsonaro. Et le cacique Babao, chef de la tribu Tupinamba, vous a confié un message à l'adresse des Européens. Je vous propose de l'écouter et puis ensuite vous nous préciserez dans quelle situation exactement il se trouve. Je suis le cacique Babao du peuple Tupinamba de la communauté Serra do Padeiro. Je suis ici pour vous demander, parler avec vous d'Europe, des pays européens, dire que notre peuple est le plus ancien peuple de contact du Brésil, celui qui a reçu les Portugais quand ils sont arrivés ici. Et jusqu'à aujourd'hui, notre terre n'est pas démarquée et homologuée dans laquelle nous devrions être protégés. Aujourd'hui, nous courons de graves risques avec le gouvernement Bolsonaro et les entreprises qu'il souhaite apporter. En ce moment, nous courons déjà des risques sur notre territoire et dans la région de Olivença, dans la région que nous appelons Ribeira, où se trouvent de belles mangroves, où les tortues viennent pondre, la vie marine et où nous faisons beaucoup de rituels. Nous vous demandons de prendre conscience en Europe de l'importance de faire en sorte que le tourisme soit davantage axé sur les connaissances locales et non sur les entreprises qui sont en train de détruire les communautés locales, qui chassent les gens qui y vivent, les pêcheurs de mollusques et nous, peuple autochtone. Aujourd'hui, le gouvernement Bolsonaro souhaite mettre en place davantage d'entreprises internationales dans les zones autochtones non démarquées afin de rendre impossible la démarcation de nos terres. Nous ne voulons pas que vous soyez des obstacles pour nous. Irène Bélier, pourquoi il s'adresse à nous, les Européens? Qu'est-ce qu'on peut faire face à la situation dans laquelle il se trouve? Je crois que déjà, on peut commencer à les entendre. C'est un point important parce que jusqu'à présent, on ne les entendait pas. Ils peuvent crier comme ça, donc c'est bien que vous passiez la voix. Et je crois que c'était vraiment nécessaire d'écouter des gens comme ça, comme ceux que vous avez parlé d'Équateur, des Sarayaku, des Munduruku ou des Yanomami, et là, des Tupinamba. Je voudrais aussi... disons, mention spéciale pour la traductrice Nathalie Pavelic qui travaille avec eux depuis très très longtemps, qui a réalisé sa thèse sur l'éducation autonome et doublement différenciée dans la communauté de la Serra do Padeiro. Et c'est tout à fait intéressant. Et là, il est en train de pointer deux problèmes très spécifiques. D'une part, la terre, elle existe, elle a été démarquée, mais elle n'a pas été homologuée. Et donc, elle n'a pas cette garantie de certitude de droit qui permet éventuellement de résister à des processus tels que les deux qu'il mentionne aujourd'hui, qui est un problème de complexe hôtelier qui est en train de s'ouvrir entre un investisseur portugais et le gouvernement de l'État de Bahia et puis les intérêts privés. Il y a énormément de corruption hein, dans la région, il faut vraiment parler de cela aussi. Et ce complexe hôtelier dans une région magnifique, ravissante, extraordinaire, déjà déforestée, c'est la région de ce qu'on appelle la Mata Atlantica qui a déjà été grandement dévastée, mais c'est un paysage de rêve aux yeux des Européens. Sauf que là, le complexe hôtelier, il est en train de se faire à la fois sur les territoires autochtones traditionnels, sur une zone écologique protégé, et il va induire avec le deuxième projet qui est un projet de port maritime pour des transports de containers importants, la ruine des mangroves, la ruine de tout un écosystème littoral. Et tout ça, Bolsonaro ne s'en préoccupe pas. Il l'encourage. Pour lui, les Indiens sont à éliminer de la surface de la Terre, donc il l'a clairement dit. Hein. Il a dit les États-Unis ont réussi là où le Brésil n'a pas réussi, la cavalerie a été plus efficace que nous. On va y arriver. Ouais. Alors, un centimètre de territoire en plus pour les Indiens. Ce sont des mots très forts qui se suivent par des actes très violents aussi. Voilà. C'est-à-dire que là, la région est en train de s'embraser. De plus en plus d'assassinats sont à déplorer. Alors, on a une violence effectivement qui est en train de se répandre, enfin qui maintenant a carte libre pour se répandre. Avant, il pouvait y avoir éventuellement un petit peu de sanctions. Mais là, il y a un énorme problème en effet. Les colons ont quartier libre pour aller là où ils veulent, faire ce qu'ils veulent. Donc il y a on les pousse, tous ces gens plus ou moins sans terre, etc. Les fazenderos qui ont été délogés lorsque la territoire a été redémarquée et donc veulent récupérer leurs biens pour faire de l'exploitation extensive et parfois dans des conditions esclavagistes. J'ai visité un endroit récupéré par la comuna Tupinambá Serra do Padeiro, une usine de chocolat dans lequel les travailleurs étaient réduits en esclavage et elle a fonctionné jusqu'en 2012. J'ai visité les endroits où ils étaient dans des cellules gardées, fermées à clé. Enfin, c'était absolument abominable. Donc, c'est ça que les fazenderos mettent en place. Et aujourd'hui, la communauté autochtone, la communauté Santa la Serra del Padeiro, a développé tout un projet tout à fait intéressant pour partager la terre entre les Tupinambá, donc certains reviennent qui ont été chassés, laisser les petits paysans, les travailleurs pauvres sur cette terre-là, en leur permettant d'exploiter et de venir à l'école dans un projet d'éducation qu'ils ont développé. Et ils essayent de transformer cette usine de mort, parce que c'est vraiment associé à la mort, en quelque chose de vie pour créer une université, un cours supérieur en tout cas, qui permettrait de compléter le cursus éducatif. Ce qui est tout à fait intéressant, c'est le fait qu'ils pensent l'ouverture, ils pensent aux autres. Ils sont pas excluants, ils pensent vraiment aux autres. Et le problème, c'est qu'il y a deux, notamment, il y a eu plusieurs assassinats qui ont été réalisés. Donc, c'est un compte des assassinats. On sait combien de personnes. Mais là, il y a deux jeunes qui vont faire des études à l'université publique. L'une en tant qu'infirmière, Stéphanie, et l'autre comme juriste, Jessica Tupinambá, qui sont menacées de mort. Ouais. Elles sont menacées de mort parce qu'elles vont faire des études. Ouais. C'est une situation dramatique, on l'entend. Est-ce que on peut la comparer en gros, si on regarde l'ensemble des peuples autochtones, est-ce qu'on retrouve les mêmes problématiques ou est-ce qu'il y a des peuples pour qui ça se passe mieux, hein, en quelque sorte? Si on s'intéresse maintenant aux aborigènes, aux Inuits, est-ce qu'ils ont les mêmes difficultés? Non, il y a des voies de transformation. C'est indéniable. Il y a des choses qui sont positives et qui sont en train de se réaliser. Il y a des autonomies qui sont en acte. Qu'on pense aux apatistes, par exemple, dans le sud du Mexique ou à l'autonomie de Cheran, dans le Guerrero. Il y a des voies comme ça dans lesquelles ils arrivent à réaliser un certain nombre de choses. Il y a 44 autonomies à Panama, il y en a pas mal qui vivent bien aussi. Mais là, ce qui est tout à fait important, c'est que les autochtones, il faut imaginer, on a parlé de l'État qui arrive et qui prend la propriété de la terre, la souveraineté territoriale, l'intégrité politique, la souveraineté politique et l'intégrité territoriale, ce sont les deux attributs des États au niveau international. Donc, quelque part, ça pose des conflits avec les autochtones qui revendiqueraient une souveraineté. Mais ça pose pas de conflit avec les entreprises, avec qui on passe des accords, des concessions, et on leur donne des concessions pour pouvoir faire de l'exploitation. Et c'est là qu'est le problème aujourd'hui. Les entreprises ne respectent pas les droits humains, les États ne défendent pas leur population, et ils ont un droit, il y a une obligation des États à ce que leur population puisse vivre normalement bien, quoi, et pas exploiter. Et donc, qu'est-ce qu'on en voit aujourd'hui? Des nouveaux territoires où on fait de l'exploitation, et le rapporteur spécial sur la situation des défenseurs des droits humains a fait un état de 385 assassinats en 2017. 45%, 50% pratiquement, ce sont des autochtones, liés à des causes autochtones ou environnementales. Ça en dit beaucoup, hein. On bivouaque en terre indigène cet après-midi avec l'anthropologue Irène Bélier. On s'intéresse aux droits des peuples autochtones et aux menaces qui pèsent sur eux. Burning sun. C'était Yao de Ina Deyard sur France Inter. Plus le Bakava en forêt, plus il reste stable dans sa culture, plus il maintient sa culture et même sa langue. Par exemple, tu es grand comme un arbre. Et s'il n'y a plus de grands arbres, qu'est-ce que le Baka dira après? Par exemple, il est sage comme la tortue. Alors, si toutes ces images disparaissent, je crois qu'on arrivera à une exception. Et c'est pour cela qu'au sein de l'association Okani, nous pensons qu'il est temps de faire un peu plus vite, de collecter le maximum d'informations, d'histoires, de contes, de faire des enregistrements possibles, de musique et d'autres contes qu'on peut garder, sauvegarder pour les futures générations. Ici, c'est une forêt complètement dégradée. Vous avez sûrement remarqué le petit cours d'eau qu'on a traversé. Il est à sec, même quand les pluies sont en train de revenir. Faire la pêche en pleine forêt, comme c'était le cas avant, nous n'avons plus la possibilité de nous y rendre. Nous étions au Cameroun, chez les pygmées Baka. Un autre exemple, Irène Bélier, de ces peuples menacés dont le savoir et la culture sont en train de disparaître. Et c'est une vraie perte pour la connaissance et la culture mondiale. Vous avez raison. Dès qu'un peuple disparaît et qu'une langue disparaît, il y a tout un système de connaissances qui disparaît avec eux. On dit que lorsqu'un peuple autochtone disparaît, c'est toute une bibliothèque qui disparaît. Donc c'est vraiment ça qu'il faut avoir présent à l'esprit. Ce sont des peuples qui connaissent, et parce qu'ils ont une relation à la nature, et que la nature, c'est quelque chose de beaucoup plus large que ce que nous avons construit comme nature en tant qu'occidentaux. Voilà, la nature, elle est complète. C'est la terre, c'est les eaux, c'est la forêt, c'est les animaux, ce sont toutes les espèces animales. Ils savent parler le langage des animaux, ils savent deviner comment... anticiper, donner des interprétations, ils connaissent les plantes, les espèces que nous on continue de découvrir régulièrement, que parfois on va leur piquer aussi, ce qu'on appelle de la biopiraterie. Mmh. Et oui, on assiste aujourd'hui à tout un angle de revalorisation des savoirs traditionnels, des savoirs autochtones, et ça oblige à travailler autrement, nous l'université, avec ces peuples-là qui sont producteurs de savoir. Mmh. Alors travailler autrement justement, c'est Romane qui vous demande, les peuples autochtones sur lesquels vous travaillez participent-ils à la production de connaissances sur eux-mêmes? Alors ça commence et ça bouge plus vite dans certaines universités, notamment anglo-saxonnes ou hispanophones, que françaises. Parce que nous, en France, on n'a pas les autochtones chez nous qui sont là en train de dire mais on est trop présents, on les a trop à distance, ils sont vraiment dans l'outre-mer, même s'ils sont très importants et qu'ils devraient vraiment être pris en considération. Au Canada, aux États-Unis, en Amérique du Sud, et même maintenant un peu, ça bouge en Australie, en Nouvelle-Zélande avec les Maoris, il y a toute une présence des autochtones dans l'université qui va aboutir également à transformer la manière dont on va chercher les savoirs et dont on va travailler avec eux. Ils jouent un rôle dans la préservation de la nature, ces peuples autochtones? Ils ont un rôle dans la préservation de la nature, effectivement, quand on considère effectivement les désastres qui sont faits par les modes d'exploitation industriels extractifs. Le régime extractif ne préserve pas la nature. Le régime extractif est d'abord prédateur. On prend, et après, le déluge, on s'en fout. Eux, ils vivent dans un mode relationnel. C'est-à-dire que si on va pêcher trop d'animaux, ben, il y aura plus de poissons, on va plus chasser. Si on chasse tous les singes, par exemple, ben, il y en aura plus. Donc, ils ont des modes de prélèvement qui sont adaptés à certains modes de vie et qui sont aujourd'hui profondément transformés par l'arrivée du marché, par la mise en place de régime, disons, d'achat, et par leur pauvreté relative qui les pousse sur le marché. Donc là, il y a un vrai souci auquel il faut faire attention. On va s'intéresser évidemment avec la nature, avec Hugo Struna qui vient de nous rejoindre. Bonjour Hugo. Bonjour Daniel. Vous êtes journaliste à Vigie Nature, programme de sciences participatives du Muséum National d'Histoire Naturelle de Paris. Comme toutes les semaines, vous nous plongez dans des sons de nature qu'étudient les scientifiques du muséum. Aujourd'hui, cap sur l'Indonésie. Je vous emmène sur l'île indonésienne de Sulawesi, seul endroit où l'on peut rencontrer des macaques à crête à l'état sauvage. Je suis sûr que vous les connaissez, ces macaques. Ils ont une petite crête d'Iroquois qui leur donne un côté punk, un sourire démesuré. Les yakis, comme on les appelle là-bas, semblent tout droit sortis d'un dessin animé pour enfants. Oui, il y a une photo célèbre qui a largement été diffusée sur Internet. Un selfie que l'un de ces singes a fait de lui avec l'appareil photo d'un photographe animalier. On va la mettre sur la page Facebook du Temps d'un Bivouac pour ceux qui l'ont loupé. Alors, c'est l'organisation sociale de ces singes qui intéresse les scientifiques, Hugo ? Oui, leur système social est fascinant. Chez les autres espèces de macaques, on a affaire à un système dit despotique avec une hiérarchie ultra rigide. Ce sont les gros mâles alpha qui dirigent et tout le monde obéit, pour faire simple. Chez les macaques à crête, c'est un peu différent. Il existe une vraie hiérarchie, mais plus souple. Les individus n'hésitent pas à prendre des libertés. Quand on n'est pas content, on le dit. Peu importe son rang. Résultat, les interactions entre individus sont plus intéressantes car complexes, subtiles et multiples. Avec eux, la forêt se transforme en véritable agora. Alors justement, une chercheuse du muséum a suivi de près quelques groupes. Oui, Julie Dubosc, avec d'autres chercheurs, a suivi pendant un an et demi trois groupes de macaques. Elle a observé attentivement, du matin jusqu'au soir, leurs moindres faits et gestes et surtout leur communication. Allez, petit florilège de ce qu'on peut entendre quand on passe 24 heures avec ces drôles de macaques à crête. Alors là, vous nous faites la traduction de ce langage, Hugo ? Alors, ces vocalises sont très fréquentes chez les femelles. Là, en l'occurrence, il y en a deux assises l'une à côté de l'autre. Ça papote. Ces cris dénotent une vraie entente, mais Julie et ses collègues tentent à présent d'affiner la signification. Y a-t-il un rapport de soumission ou de domination entre elles ? Ou veulent-elles simplement exprimer leur grande complicité ? Ou en tout cas, la vie est belle, on va les laisser tranquilles. Ah, voici un mâle dominant qui tient à rappeler qu'il est là et bien là. Le paradoxe, c'est cette petite voix un peu fluette. On pourrait s'attendre à des vocalisations plus graves pour affirmer sa puissance, mais non. Julie explique que c'est plutôt la complexité de la phrase, du cri qui détermine le rang social. Bon, laissons Rambo rouler des mécaniques, allons voir là-bas, tiens. Alors on dirait que ça se chamaille là, Hugo, non ? C'est un crêpage de chignons entre femelles. L'une d'elles veut jouer avec le bébé de sa voisine, ce qui ne plaît pas du tout à la mère. Mais souvent la discorde tourne autour de la nourriture, une figue, des feuilles qu'il faut partager. Ah, tiens. En parlant de casse-croûte, nouvelle dispute entre des adolescents, cette fois mâles et femelles. Bref, vous l'entendez, ça se chamaille beaucoup chez les macaques à crête, mais rien de très violent et ça se termine le plus souvent par une réconciliation. Il vaut mieux car dans certaines situations, la cohésion est indispensable. Alors là, on assiste à la scène la plus impressionnante d'après Julie. Un signal vient d'annoncer l'arrivée d'un python, le seul prédateur sauvage du macaque. Du coup, branle-bas de combat, tout le monde se regroupe pour faire le plus de boucan possible. On hurle, les jeunes secouent les branches d'arbres. Et ça fonctionne car le python fait demi-tour la plupart du temps. Au début de la mission, il paraît même que les macaques lançaient aussi l'alarme lorsque les chercheurs arrivaient sur le site. Il aura fallu 3 mois pour les habituer à la présence des humains. Donc les chercheurs ont déchiffré comme ça un grand nombre de messages à travers ces vocalises ? On en a eu un tout petit aperçu. La diversité des vocalises est impressionnante. En plus des signatures vocales individuelles, chaque son émis a une signification précise. Saluer, prévenir, intimider, humilier parfois. Un claquement de lèvres peut être signe de réconciliation. Un claquement de dents, comme on entend là, un signe de soumission. Les chercheurs ont référencé une centaine d'intentions différentes. Et puis les cris sont souvent doublés d'autant de mimiques, de grimaces visant à atténuer ou à accentuer le message. Alors le macaque à crête se porte-t-il bien au final, Hugo ? Et non, cet animal est menacé d'extinction à cause de la chasse, de la disparition des habitats. Sa situation est même catastrophique. Les populations ont diminué de 75% ces 30 dernières années. Le projet Macaca Nigra, auquel contribue Julie Dubosc, vise à mener toutes sortes d'études scientifiques, mais aussi à mettre en œuvre des actions de conservation sur l'île de Sulawesi. Alors si vous voulez mieux connaître ces attachants punk aux mille voix, rendez-vous sur macaca-nigra.org. On va mettre ça en lien sur la page du Temps d'un Bivouac sur franceinter.fr. Merci Hugo et à la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Irène Bélier, alors en l'occurrence, ces singes que l'on trouve donc en Indonésie, ils sont chassés par un peuple autochtone, les Minasan. Alors quand on est face à ça, on se dit, alors il y a des espèces en voie de disparition qui sont menacées, et puis parfois les peuples autochtones que l'on dit si proches de la nature, et ils tirent un peu dans le camp de ces espèces menacées. Des peuples autochtones, d'abord il faut les différencier parce qu'ils sont particulièrement, voilà, ils se distinguent selon qu'ils sont pêcheurs, chasseurs, cueilleurs, agriculteurs, il y a toutes sortes de peuples autochtones. Quand ils sont chasseurs, cueilleurs, oui, ils chassent effectivement dans la forêt, et simplement, normalement, ils chassent de manière raisonnable, et ce qui peut poser problème, effectivement, c'est la surchasse qui est introduite par d'autres facteurs que simplement autochtones. Donc il ne faut pas avoir un jugement direct de l'autochtone est nécessairement un bon écologiste ou l'autochtone est nécessairement un méchant chasseur. Il faut juger sur pièce. Donc je ne connais pas en l'occurrence ni ce peuple ni cette île. Ce que je peux vous dire en revanche, c'est que chez les Mairuna où j'ai été, Minya, qui était mon compadre, hein, qui était aussi le chef civil, qui était un type formidable, parlait la langue des animaux. Et il m'a fait, j'ai eu des enregistrements absolument extraordinaires où le chasseur parle avec les animaux et les imite et sait faire de quoi. Et à l'époque où j'y ai passé, il n'y avait absolument pas de menace sur les différents chasseurs, enfin, disons, singes en l'occurrence. Mais depuis, il y a des tas de forestiers qui sont passés, donc la déforestation a progressé, les animaux disparaissent. C'est ça qui est la menace aujourd'hui, c'est pas la chasse des peuples autochtones. Hein. Vous allez répondre dans un instant, Irène Bélier, aux questions des auditeurs qui sont arrivés pour vous, et puis nous verrons comment la résistance s'organise du côté de ces peuples autochtones. Auront perdu beaucoup de temps, égarés dans des paysages qui ne nous allaient pas vraiment. Auront goûté en solitaire aux saveurs de tant de saisons, sans l'avoir prévu, par temps clair, sur beau rivage nous échouerons. Avant qu'on voie tes mondes meilleurs, à force de marche entravée, dans le vin déroulé des heures, avons révoqué la douceur sur des chemins de roses enfouies. Bientôt ne resterait d'ailleurs qu'ici. Nous échouerons à beau rivage, l'endroit parfait qui nous attend. Aurons perdu beaucoup de temps par d'autres lieux pris en otage. Aurons connu en solitaire les teintes de tant d'horizons, sans l'avoir prévu, par temps clair, sur beau rivage nous échouerons. Nous sommes heurtés à des barrages, à des croix tout juste dressées, à travers l'un des marécages. Sans chemin avons rebroussé, essuyant des larmes d'orage, au fond de vallées dépeuplées. Nous échouerons à beau rivage, l'endroit parfait qui nous attend, par-delà lande et marécage, avons perdu beaucoup de temps. Dominica, c'était Beau Rivage dans le temps d'un bivouac sur France Inter. Hep hep foré. Hep hep foré. Hep hep foré. Maramdam. This place is ce lieu et surtout cette barricade ici est presque devenue une attraction touristique. Tourist attraction. Je pense que c'est le blocage le plus long de l'histoire du Sarawak. La rivière du Baram n'est pas très loin, 3 ou 4 kilomètres environ. Et cette barricade a été mise en place pour les empêcher de construire cette route. C'est une structure très simple, presque symbolique au fond. N'importe qui peut l'enlever. C'est pour ça qu'en 2 ans, elle a été détruite 12 fois. Mais à chaque fois que les entreprises ou le gouvernement la détruisent, les gens du village la remettent en place. Parfois 100 ou 200 personnes viennent. Nous étions à Bornéo, dans l'état de Sarawak, qui dépend de la Malaisie. Le peuple des Pénins fait de la résistance. Irène Bélier, face aux menaces qui pèsent sur ces peuples autochtones, ils résistent, mais là, ce monsieur le dit lui-même, hein, c'est plus symbolique, notre barrage, on le reconstruit. Finalement, est-ce que la résistance est efficace ? En tout cas, elle a le mérite d'exister, et donc c'est important de la comprendre, d'en parler, de la relayer. L'exemple que vous donniez de ces Pénins construisant un blocage sur la route me faisait penser à l'an dernier, au mois d'octobre, un mois et demi de barrage sur la Panaméricaine organisé en Colombie pour obliger le gouvernement à respecter 1600 accords qu'il a signés mais qu'il ne respecte pas. Donc on a effectivement des modalités de résistance. Sinon, ils n'y arrivent pas. Donc oui, il faut les entendre, il faut les suivre et les relayer. Donnez-nous des exemples de victoires récentes emportées par ces peuples autochtones, qu'on finisse sur quelque chose de peut-être un peu positif, si ça existe. On a des exemples, par exemple, dans un autre ordre d'idée, vous avez une grande enquête nationale qui est sortie sur la situation des femmes et des filles disparues, assassinées au Canada. Donc pendant des années et des années, les femmes et les filles canadiennes, amérindiennes, autochtones du Canada disaient « Mais attendez, on est assassinés, on est disparus ». Il y a eu une grande enquête qui a été réalisée tout à fait récemment et c'est important, c'est une forme de succès. Ensuite, il y a des moyens de récupérer, par exemple, de sa vie propre. Ils créent des radios, ils revitalisent leur langue, ils essayent de conserver d'utiliser les nouvelles technologies pour transmettre ça à leurs gamins. Donc il y a des voies de succès, et de notre côté on a surtout à les entendre, les respecter et admettre qu'ils ont besoin d'un territoire pour vivre. Ouais, alors Vegikat vous demande sur internet comment faire pour aider ces peuples autochtones, nous Européens. Eh bien, je pense que déjà, y aller avec une démarche d'écoute et de considération, que ce sont des gens comme nous, égaux. Déjà, si on a le principe d'égalité dans la tête, c'est déjà très bien. Ça commence. À partir de là, il faut certainement admettre également qu'ils ont une voix, qu'ils peuvent s'exprimer et qu'ils ont besoin de leur territoire. On peut aussi boycotter des produits qui viennent de ces territoires surexploités par l'industrie, et demander par exemple d'avoir une preuve. Par exemple, on a demandé à un moment donné de ne pas acheter les produits qui étaient faits par des enfants. Le travail des enfants était insupportable. On pourrait parfaitement exiger d'avoir une réglementation au niveau européen en particulier, parce que ce sont des industries et c'est un gros marché, le marché européen, le marché nord-américain, etc., marché chinois aussi. Exiger que ce soit pas fait avec de l'exploitation, de la surexploitation des produits d'Amazonie. En moins d'une minute, Eléa vous demande que fait le gouvernement français pour ces peuples autochtones à travers les nombreux territoires qu'ils possèdent. Le gouvernement français fait très peu de choses. Il les considère déjà pas beaucoup comme des peuples autochtones, il les considère comme des populations. Et il a beaucoup de mal à les différencier et à considérer qu'ils ont des besoins propres. Donc en Nouvelle-Calédonie, ça avance d'une certaine façon avec les Kanaks. Après les accords de Nouméa, le référendum, la transfert de la délégation de compétences. Il y a beaucoup de choses en termes de souveraineté qui reviennent au territoire sur la base de reconnaître le peuple Kanak comme peuple premier de ce territoire-là. En Guyane, qui est un département, une région devenue collectivité, qui applique les mêmes lois que la métropole, rien n'est vraiment fait pour les autochtones Kalinia, et dans les Antilles, il n'y a strictement rien. Ouais, bah, il reste du boulot. Merci Irène Bélier. Je rappelle le titre de votre dernier ouvrage qui vient tout juste de sortir, Échelle de gouvernance et droits des peuples autochtones, aux éditions de l'Harmattan. Avec ma collègue Jennifer Hay. Space. Voilà, c'est dit. Merci à vous. Dans un instant, nous partons pour une enquête en haute altitude sur les pas de l'alpiniste Georges Mallory. Nous allons revenir sur l'une des plus grandes énigmes de l'histoire de l'alpinisme. Il se pourrait que Georges Mallory soit le premier homme à avoir marché sur le toit du monde avant de disparaître tragiquement juste après le flash. Nous allons essayer d'y voir plus clair avec notre invité, le journaliste et écrivain Jean-Michel Asselin.